Émergence hip-hop. Je suis un guerrier qui émerge, loin de vivre en marge du système. Si mon monde s'écroule, j'angoisse pas car une solution se trouve pour chaque problème. Pour chaque problème. Aïe, 313G. Je suis un guerrier qui émerge, loin de vivre en marge du système. Si mon monde s'écroule, j'angoisse pas car une solution se trouve pour chaque problème. J'ai déjà lisé sans ma première vie, la seconde certains ne feront pas partie. Quand tu te trouves, tu te rappelles de ce que tu as appris. Pour pouvoir à l'avenir te mettre à l'abri. Y'a pas de remède miracle, y'a que le vécu qui part. Surtout quand ce sont les meilleurs qui partent. Les coups durs sont faits pour que notre esprit se surpasse. Chaque jour ma douleur me donne la puissance. Ce niveau est proche de la licence. Mes cicatrices n'ont d'égal que mon innocence. Telle est ma pénitence. J'avance jamais à la veuve, j'utilise toujours mes cinq sens. Je vis au jour le jour, sur l'instant. Car à tout moment ton existence peut perdre tout son sens. C'est ça. Cet animal réagit en quatre coups durs ou en quatre coupures. On prend la grosse coupure pour quand même relever la tête et battre les mis à plat de couture. 313, 313. On vient vous parler avec de vrais thèmes. Génération 30 piges, frère. Aujourd'hui c'est aux petits que l'on enseigne les dures réalités d'une vie remplie de problèmes. Un système qui fait mourir l'amour et accentue la haine. On vient vous parler avec de vrais thèmes. Pas d'armes à la main, la musique est le seul moyen de se faire entendre. On se rendra pas un poil comme les phénomènes. On veut pas être des phénomènes. Nous sommes des artistes, tout ce que l'on produit on le fait nous-mêmes. Face à la distance, tout social. Préoccupé, enfermé dehors, bloqué dans la matrice. Il s'active quand tout va mal. Mes victoires seront chuchotées et mes défaites seront célébrées. Car les gens aiment quand ça part mal. Et hombre, pas besoin d'assistance sociale ou de hache pour les démembrer. Cesse tes mascarades, phénomène de foi, rien qu'une cesse de trembler. Salma Comé, sans renommée. Sache que les histoires de cul, ça pue à plein nez. Obligatoire est le port du masque à gaz avant de viser le sommet. Génération guerrière laissant des grosses traces d'amertume et de souffrance derrière. Derrière, ça fait plus difficile qu'on ne le pense. Élevé au coup de coude, au coup dur, au coup de couteau, au coup de ceinture, au coup de balai, au coup de chaussure. Bah ouais, du coup, l'amour, les sentiments se perdent. Les relations saturent, l'égoïsme et les mensonges s'attuent. Sache que dans la vie, pour réussir, il faut être un minimum mature. On vient vous parler avec de vrais thèmes. Génération 30 piges, frère. Aujourd'hui, c'est aux petits que l'on enseigne les dures réalités d'une vie remplie de problèmes. Un système qui fait mourir l'amour et accentue la haine. On vient vous parler avec de vrais thèmes. Pas d'armes à la main, la musique est le seul moyen de se faire entendre. On rentrera pas un poil comme les phénomènes. On veut pas être des phénomènes. Nous sommes des artistes, tout ce que l'on produit, on le fait nous-mêmes. On vient vous parler avec de vrais thèmes. Génération 30 piges, frère. Aujourd'hui, c'est aux petits que l'on enseigne les dures réalités d'une vie remplie de problèmes. Un système qui fait mourir l'amour et accentue la haine. On vient vous parler avec de vrais thèmes. Pas d'armes à la main, la musique est le seul moyen de se faire entendre. On se rendra pas un poil comme les phénomènes. On veut pas être des phénomènes. Nous sommes des artistes, tout ce que l'on produit on le fait nous-mêmes. Sans 13.